libéré. Alléluia, je suis dans la joie. Alléluia. Sera vêtu de blanc, son nom restera dans les livres de Yahvé. De ma maison, oh, mon âme est bénie le Seigneur quand je vois. Oh, akuma, malilo yo, akuma.